village. Pour moi, c'est bon sang. Mais peu importe, il filait tout. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 14 février, nous souhaitons une bonne fête aux Valentins, ça vient du germanique signifiant robuste, puissant. Les Valentins sont de curieux personnages qui présentent une association des signes de feu et d'eau. Ils sont à part, souvent originaux. Des vibrations inhibitrices les portent à l'introversion et d'autres les poussent à l'extraversion. D'où la coexistence en eux de deux personnalités. C'est ainsi qu'un jour nous les verrons impatient, impulsif, irritable, colérique et le lendemain, calme et diplomate. Leur attitude varie de la même façon vis-à-vis de leur entourage. Selon les périodes, ils seront extrêmement attentifs, dévoués, affectifs et s'investiront beaucoup pour apporter équilibre et harmonie à leurs proches, au point parfois d'en faire trop. À d'autres moments, ils se réfugieront dans une indifférence totale, dans le mutisme, faisant comprendre par leur attitude glaciale qu'il n'est pas question qu'on les dérange. Soucieux de l'opinion d'autrui, d'une présentation souvent irréprochable, ils veulent avoir le beau rôle, apparaître fort et viril et aime impressionner leur entourage. Leur sensibilité et leur susceptibilité les rendent impulsifs alors qu'ils sont par ailleurs conciliants, ouverts, affectueux et gentils. Même si leur trop grande sensibilité leur joue des tours, elle leur confère aussi une finesse extrême de l'intuition et un sens psychologique certain. Dicton du jour, à la Saint-Valentin, tous les vents sont marins. Vigneron à la Saint-Valentin doit avoir serpette en main. Célébration internationale aujourd'hui en Occident, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On ne peut pas passer à côté, on n'entend que ça depuis ce matin. C'est également la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. En Bulgarie, c'est la fête du vin, à consommer bien évidemment avec modération. Et aux États-Unis, dans les États de l'Arizona et de l'Oregon, c'est la célébration du jour de l'admission. Et dans les événements qui se sont déroulés un 14 février en 1663, le Canada devenait une province du Royaume de France. En 1747, c'était la fondation de l'École nationale des ponts et chaussées. En 1793, à Paris, Jean-Nicolas Pache, rallié aux montagnards, était élu maire de la commune de Paris. C'est d'ailleurs lui qui a fait graver sur les monuments publics la devise « Liberté, égalité, fraternité ». En 1800, Bonaparte créait la fonction de préfet et de sous-préfet. En 1859, l'Oregon devenait le 33e État des États-Unis. En 1865, c'était la création du premier chèque en France. 1876, Graham Bell déposait le brevet sur le téléphone. En 1879, la Marseillaise redevenait l'hymne national de la France. En 1880, c'était la publication par Georges Charpentier du roman Nana d'Émile Zola. En 1912, l'Arizona devenait le 48e État des États-Unis. En 1933, c'était l'inauguration à Paris du premier service de l'horloge parlante. 1972, la production Grise débutait à Broadway, où elle tiendrait l'affiche pendant la décennie suivante. Et d'ailleurs, elle a donné naissance 6 ans plus tard à la version cinématographique qui a été un succès plus que mondial. 1982, Marie-Cécile Gros-Gaudenier remportait la Coupe du Monde de descente en ski. Et enfin, en 1998, Philippe Candeloro remportait aux Jeux Olympiques de Nagano une médaille de bronze en patinage artistique. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale et qui dit Saint-Valentin dit spéciale musique d'amour et on va tout de suite écouter Quentin Mosimane qui fête son anniversaire aujourd'hui. Avant d'être principalement DJ, il a sorti quelques chansons et notamment il y a Je t'aime et Je t'aime. On écoute ça tout de suite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Certains disent tout leur amour, leur envie que ça dure toujours. C'est un cri comme on embrasse, un défi au temps qui passe. autres sont jetés au vent, n'importe où, n'importe comment. Ils ne comptent que le silence et retombent dans tous les sens. Il y a je t'aime et je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Je t'aime plus, je t'aime moins. Certains parlent du lendemain, font mal au fond du bien. On les chante, on les murmure. S'ils nous mentent, ils nous rassurent. D'autres n'osent pas dire qu'ils cachent tant de choses qui se détachent. Ils demandent et toi tu m'aimes. Ils attendent qu'on les retienne. Il y a je t'aime et je t'aime. Je t'aime trop, je t'aime bien. Quentin Moziman avec le titre Il y a Je t'aime et Je t'aime sur RGM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire. Il s'en est un 14 février 1942. Naissance de Roland Giraud, acteur français, vu dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine dans le rôle du duc d'Orléans. Les bronzés font du ski. Papy fait de la résistance dans le rôle du général Hermann Spons. Trois hommes et un couffin, ainsi que l'insuite, 18 ans après, où il interprétait le rôle de Pierre. Vu également dans De l'autre côté du lit ou encore sur la ville. C'est également l'année de naissance d'Andrew Robinson, acteur américain connu pour son rôle de Charles Davis alias Scorpion dans L'inspecteur Harry, son rôle de Larry Cotton dans Le Pacte ou encore son rôle de Darak dans la série télé Star Trek Deep Space Nine. Pas facile à dire. Hein. 1944, naissance d'Alan Parker, réalisateur britannique à qui l'on doit Midnight Express, Fame ou encore Evita. 1946, naissance de Catherine Arditi, actrice française vue dans Rupture, Les Amis de ma femme, à la télé dans Désiré Landru ou encore Le son de la vigne. 1960, naissance de Meg Tilly, actrice canadienne, connue pour avoir interprété la danseuse principale dans Fame et vue également dans Psychose 2 dans le rôle de Mary Loomis. 1963, naissance d'Enrico Colantoni, acteur canadien vu dans Contagion, la série télé Véronica Mars dans le rôle de Kiss Mars ainsi que dans le film sorti quelques années plus tard, vu dans la série Flashpoint dans le rôle de Gregory Parker, Person of Interest dans le rôle de Carl Elliott. Elias, Les Experts ou encore Numbers. 1964, naissance de Zach Galligan, acteur américain, connu pour son rôle de William Peltzer dans Les Gremlins 1 et 2, vu à la télévision dans Dr. Quinn, Femme médecin ou encore 7 à la maison. 1970, naissance de Mark Lutz, acteur canadien, connu pour avoir interprété le rôle de Gros Salug dans la série télé Angel. C'est également l'année de naissance de Simon Pegg, comédien-auteur britannique, vu à la télé dans Les Allumés dans le rôle de Tim Bisley, au cinéma dans Mission Impossible 3, Mission Impossible Protocole Fantôme, Mission Impossible Rogue Nation et Mission Impossible Fallout, sorti l'année dernière dans le rôle de Benji Dune, vu dans Star Trek, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite dans le rôle de Montgomery Scott alias Scotty, vu dans Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne dans le rôle de Dupont avec un T, dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force dans le rôle d'une carplute. 1975, naissance de Malik Zidi, acteur français, vu dans Place Vendôme ou encore Jacoule Croquant. 1977, naissance de Cadel Evans, ancien cycliste sur route et vététiste australien, qui avait remporté la Coupe du Monde de VTT 98 et 99, l'UCI Pro Tour en 2007, champion du monde sur route en 2009, champion d'Australie de VTT Cross Country en 96 et 97. Il a remporté le Tour de France en 2011, la Flèche Wallonne en 2010, le Tour de Romandie en 2006 et 2011, le Tirreno Adriatico en 2011, le classement par points du Tour d'Italie en 2010 et il avait remporté également 3 étapes de Grand Tour, 2 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Italie. 1978, naissance d'Anne-Gaëlle Richiou, animatrice télé française. 1983, naissance de Bakary Sagna, footballeur français, qui de 2004 à 2007 a joué à Auxerre, de 2007 à 2014 à Arsenal, de 2014 à 2017 à Manchester City, de 2017 à 2018 au Benevento Calcio et depuis cette année, cette saison, il joue pour l'Impact de Montréal. Et avec l'équipe de France, il a participé aux Coupes du Monde 2010-2014 ainsi qu'à l'Euro 2016. 1987, naissance d'Edison Cavani, footballeur uruguayen, qui de 2005 à 2007 a joué au club de Dabunio FC, de 2007 à 2010 à Palerme, de 2010 à 2013 à Naples, et depuis 2013, il joue pour le Paris Saint-Germain. 1988, naissance de Blandine Danquette, handballeuse française qui joue actuellement à Nantes et avec la sélection nationale. Aux Jeux Olympiques, elle a fait une cinquième place en 2012 et médaillée d'argent aux JO de 2016 et championne du monde. Elle est médaillée d'argent en 2009 ainsi qu'en 2011 et médaillée d'or en 2017, on s'en souvient. C'est également l'année de naissance de Quentin Mosiman, chanteur découvert dans la Star Academy 7 qu'il a d'ailleurs gagné et c'est un DJ à succès depuis. 1992, naissance de Freddie Highmore, acteur britannique vu dans Deux Frères, Neverland, Charlie et la Chocolaterie dans le rôle de Charlie Beckett, la trilogie Arthur et les Minimoys dans le rôle d'Arthur Montgomery et depuis 2017, on peut le voir dans la série télé Good Doctor, dans le rôle du docteur Sean Murphy. D'ailleurs, on a hâte que la saison 2 arrive en France. 1995, naissance de Charlotte Bonnet, nageuse française, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille de bronze, remportée lors du relais 4 x 200 mètres nage libre. Au championnat du monde grand bassin, une médaille de bronze, remportée également au relais 4 x 200 mètres nage libre. Championnat d'Europe grand bassin, elle compte 3 médailles d'or, 3 de bronze et en petit bassin, 2 d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. En 1779, décédé James Cook, explorateur et cartographe britannique, premier européen à avoir débarqué sur la côte est de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï. Il fut également le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à cartographier Terre-Neuve et la Nouvelle-Zélande. En 1995, décédé Michael Gazzo, acteur américain connu pour son rôle de Frankie Pantangeli dans Le Parrain 2. En 1996, décédée Eva Miriam Hart, une des dernières survivantes britanniques du naufrage du Titanic. En 2001, décédé Guy Grosso, acteur français, vu dans la série des gendarmes, dans le rôle du gendarme Tricard. En 2004, décédé Marco Pantani, cycliste italien qui avait remporté le Tour d'Italie 98 et le Tour de France 98 également. Et en 2013, décédé la mannequin sud-africaine Riva Steenkamp. Allez, petite pause, je vous l'ai dit, c'est une spéciale amour aujourd'hui en cette Saint-Valentin et on écoute tout de suite Johnny Hallyday et Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche,

2-1. En Europa League, ce soir, Rennes reçoit le club de Bétis. Arsenal se déplace à Bâté et Chelsea se déplace à Malmö. Un mot de tennis avec le tournoi de Rotterdam. Hier, a noté l'élimination de Jérémy Chardy en 2-7 face à Medvedev, 7-6 et 6-2. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 2-7 face à Fabiano, 6-1, 6-4. Gaël Monfils s'est qualifié en 3-7 face à Andreas Seppi, 4-6, 6-1, 6-3. Aujourd'hui, Tsonga affrontera Grigspur. En basket, en NBA, l'équipe de Chicago de Luau Cabarro s'est imposée 122 à 110 face à l'équipe de Memphis de Joachim Noah. 8 points pour Noah et 2 pour Luau Cabarro. Et enfin, l'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée face aux Los Angeles Clippers sur le score de 134 à 107. 4 petits points pour le français. On termine cette actualité avec le biathlon. Coupe du monde à Salt Lake City à partir d'aujourd'hui. Dû au décalage horaire, pour suivre le biathlon, c'est rendez-vous à 19h15 ce soir pour voir le sprint dames. Demain, à la même heure, ce sera le sprint messieurs. Samedi, nous aurons les poursuites à 18h05 pour les dames, 22h05 pour les hommes. Et dimanche, ce seront des relais, le single relais mixte à 18h10 et le relais mixte à 22h05. Voilà pour l'actualité sportive. Va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Umberto Tozzi et le titre Ti Amo. Ti amo, un solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo uomo. Che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io. Sottane sulla luce io.